Le Seigneur lui-même. Il a promis que quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'est pas l'esprit de l'erreur, mais il est l'esprit de vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Nous allons prier. Dieu bien-aimé, Dieu de grâce et de vérité, toi notre sauveur, parent, rédempteur, le seul protecteur, le bouclier pour nos âmes, rochers, des âges, Dieu incomparable, Dieu immuable, plein de bonté, riche en miséricorde, que ton nom soit élevé, car tu fais des merveilles en nombre, tu agis sans dépendre des humains, tu fais tout ce que tu veux pour le bonheur des âmes, que ton nom soit sanctifié, exalté, glorifié, car tu mérites mieux de notre part, et toi qui agis par Et rien ne peut t'arrêter. C'est toi qui as tout pouvoir. De tout soumettre à ta volonté. Donc, une telle foi. Soumettra tout à nos corps, les membres de nos corps, nos sentiments, nos humeurs, nos réactions, nos attitudes, que tout soit soumis à Christ. Prends le devant de la scène. Parle à chacun maintenant. Pardonne nos péchés, notre ignorance, nos égarements multiples, nos chutes, nos rechutes. À qui d'autre irions-nous faire? Dieu le fait, auquel venir puisse la vérité éternelle. Vers la bassesse de tes serviteurs. Nous ne sommes pas dignes, mais ton sang nous a habilités. Le Emmanuel nous a rendu agréable à Dieu. Car c'est un sang parfait. Le sang de Dieu lui-même. Il parle mieux que celui d'Abel. Et de manière Seigneur, sois adoré pour cela. Et donne à chacun de nous la force nouvelle, de l'énergie nouvelle, la puissance de haut pour ton service. Car nul ne peut réussir. Nul ne peut vivre pour lui-même. Nous vivons pour toi. Donne-nous la vie éternelle. Donne-nous la vie de sainteté. Donne-nous la vie de piété. Nous soyons semblables à Jésus-Christ. Et que mon amour triomphe dans nos maisons, dans nos milieux de travail. Nous serons semblables. Et l'amour divin triomphe. Et que la force du mal soit dénoncée. Soit déraillée. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu en vous souhaitant la bienvenue ici dans la présence du Seigneur notre Dieu. Matthieu chapitre 17, nous voyons qu'il est écrit ceci, le verset 10 et 11. Les disciples lui posèrent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 30, nous lisons ceci au verset 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. L'iloba na l'iloba nanzambe ezali peto. Ye ezali ngenguba epai na bango bakotalela kaye. Bakisaka na maloba na yete. Eti apamela yote mpe eti ozwa mamoto na lokutate. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Mukanda ya liboso na Batesaloniki mukapo ya mitano. Et nous prenons le verset 21. Tokozo nzela kotanga tukumbale na mako. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Kasi, comme kaka makambo nyonso mpe bosimba makambo malamu ngwi. Hébreux chapitre 5, nous trouvons qu'il est écrit ceci, au verset 13 et 14. Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Poete moto na moto oyo akomela kamabele akososola kaliloba na boyenge benete azali na ano mwana kasi bilei makasi ezali pona bato ba komi minene pona bango basilinde kolakisa esoselo na bango kokabola kakati na malamu mpe na mabe. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambe apambola botengi ya loba nayi. Veuillez vous asseoir. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Notre divin Seigneur et Sauveur. Le seul qui mérite l'adoration. Louange et le sacrifice de nos âmes. L'offrande de nous-mêmes. Jésus est celui qui mérite cela. L'offrande de nous-mêmes. Nous donner à lui tout entier. Lui, il avait donné l'exemple. Hein? Il s'est donné pour nous. Et quand c'est notre tour, nous n'avons pas besoin de sauter comme des boucs pour le laisser mourir seul. Mais nous irons avec lui jusque là où il nous a indiqué d'aller, au lieu du crâne, au l'intellect, au raison. Nos avantages, nos privilèges doivent mourir. Nos raisons doivent périr. Dieu seul doit être. Le bon, dans les bons. À toi, pauvre. À toi, Jésus. Toujours. Merveilleux vieux cantique là. Je vais te suivre dans les bons moments. À toi, pour à toi, Jésus. C'est pour toujours. Nous voulons que l'atmosphère surnaturelle se dégage autour de vous. Et c'est le ténèbres du péché. Et de se sentir incapable. Et ces ténèbres soient chassées. Et c'est le Seigneur qui a brillé. Depuis que la commission a été donnée au prophète, cette lumière brille encore. Jésus-Christ est notre victoire. Il est mon Dieu, mon roi. Mon bouclier. Si tu ressens le même sentiment, quand ton seul Dieu c'est avec des sentiments. Il fait grâce et il pardonne le péché. Il nous conduit même dans les ténèbres. Car il est notre lumière en permanence. Ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, chapitre 2. Thessaloniciens chapitre 2. Concernant la prédication de l'évangile. Écoutez, Dieu dit ici, à travers l'apôtre Paul, verset 3. 1 Thessaloniciens 2, verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Ezali nde kotalela ata po makambo ya mabeto po mayela mabeto po kanyaka te. Notre prédication de l'ancien évangile, l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, doit être une prédication de vérité. Nous sommes tenus de proclamer la vérité. L'amour, le fil conducteur, le fondement même de notre prédication, doit être ni l'erreur, pour nous appuyer sur une erreur, pour justifier une erreur, pour nous accrocher à une erreur. Voilà. Ni sur des motifs impurs. Donc, des motivations obscures que l'on s'est généré de nuit ou vêtements pour pouvoir défendre autre chose. Le motif doit être pur. Avec des sentiments purs et de bonnes dispositions de cœur. Il nous faut apporter la parole de Dieu. Nous ne recherchons pas la gloire personnelle. Mais nous recherchons la gloire de Dieu. Sa parole est la vérité. Nous voulons le levain de vérité. Que notre fête avec Dieu soit empreinte de justice et de vérité. Il n'y a pas besoin de camoufler ou de développer des motifs impurs. Nous devons avoir des motifs purs. Parce que Dieu nous a fait la promesse. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Nous qui sommes pour la vérité, nous irons jusqu'au bout. Nous avons chanté dans tout jusqu'au bout, j'irai. Je vais suivre les réactions des Ougandais. Ou l'opération Bimisa Rwandais. Cette histoire-là, c'est pas notre préoccupation. Hein? L'opération Bimisa Rwandais. Avec des machettes de tramotine à la main. En train de se filmer sur les avenues à Kinshasa. L'opération Bimisa Rwandais. Nous ne sommes pas dans ces choses-là. Ce qui nous importe, c'est la volonté de Dieu. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Oh, miséricorde. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Amen. Verset 4. Mais puisque Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, car si nous sondons nos cœurs, car si nous sommes pas les sacrés, comment chanter son frère là, Seigneur, toi qui connais la profondeur de mon cœur. Connais mon amour pour toi. C'est toi qui me sondes que tu me connais. Les hommes peuvent dire et réagir n'importe comment. Tu connais ce qu'il y a au fond de là. Et c'est à celui-là que nous voulons plaire. À Dieu qui est le juge des vivants et des morts. À Dieu qui est le dernier mot sur toute chose. C'est à lui que nous voulons plaire. Mon frère ne cherche pas à bâtir. Nous voulons plaire à Dieu. Verset 5. Jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses. Ça non. Voilà, c'est Zambi, le collègue est bidino. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. C'est pas ça la motivation. On ne vise pas quelque chose. Jamais. nous proclamons la vérité. Pour le salut de votre âme. Vous allez pas dans le monde. L'expérience de la parole. Vous allez pas dans le monde. Vous pas dans le monde. Pour l'ancien repentant. Vous allez continuer dans le monde. Pour recevoir le baptême du Seigneur. Vous allez pas dans le monde. Vous allez pas dans le monde. Vous allez pas dans savoir qu'un jour nous hériterons le royaume de Dieu, vous et moi. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Voyez, le même Dieu dans Actes des Apôtres au chapitre 10. Par la bouche de l'apôtre Pierre. Et les disciples qui vous connaissent. Verset 34-35. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, non pas en erreur, mais en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Je pense que toi qui as dit Amen, tu reconnais la même vérité. Tu peux en avoir entendu parler, mais tu te rends compte à l'évidence, dans ce qui te concerne, pour ce qui est établi et marche sur la terre, tu reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Comme Job avait dit autrefois, j'avais entendu parler de ça. Mes yeux t'ont vu. J'avais entendu. Mais maintenant, j'expérimente. Oh. En vérité, je reconnais. Moi, ton frère, je l'ai déjà reconnu. Notre frère Pierre l'a déjà reconnu. Il reste maintenant ton tour à toi. Et reconnaître la vérité. Et sur ce point-là, tu n'as pas la possibilité d'être en erreur. Soit dans le vrai. Dieu ne fait point de favorité. Vous voyez quoi, accompagner mon tawati. Na vie na sur terre pe oyeli mutute nzambe mutwa kero awa mutu mokote alengisa yo amen abangisa yo boyende contrôleur général yende mutazal golambe spécial monongo tuwa na inspecteur y a pas de contrôleur. Auquel nous répondrons tous. Il jugera même ce que tu juges. Il confondra sous tes regards. Pour prouver que tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Un seul en fait qu'il a dit. Pour attirer tout le péché à lui. Et Kotiga la c'est bon. Amen. Le seul juge de vivant et de mort. Toi-même, laisse-toi juger par lui. Et tes spécialistes vont juger les autres. Allez décrire comme ceci. Mais il ministre ta mère. La main puissante. Oh mon Dieu, le juste se sauve avec peine. Parce que Dieu est une maison de jugement. Et nous que le jugement commence. Nous devons être jugés nous-mêmes. Et qualifiés valables. Celui qui a le dernier mot. Je l'aime et je l'aimerai toujours. Il ne fait point de favoritisme. Hein? À côté de la gamotouté. À côté de la gale urbanaïe. Amen. Il y a quand la parole n'est qu'à la barre. Amen. Tu vois en accord la parole que vous l'avez dit. Tu vois en accord la parole. Allez, Libana. On a sala qui boye. On a kaba qui boye. N'a qu'à la sala qui gagne. N'a qu'à la parole que vous avez dit. Prisonnier. Il lui regarde la parole. Viens d'être à la parole. Je reconnais ça. que Dieu ne fait point de favoritisme. C'est ce qui est rendu dans les, la Bible, lui, c'est qu'on parle, Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu regarde dans sa parole. La personne est. Par rapport à la parole. Si c'est en ordre, si en désaccord, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. C'est le verset 5. Kasi kati na mabota nyoso, oyo akobanga kayempe, akosalela kabo yengebene, ayambami na yi. Croyez-vous ça de tout votre cœur? En toute nation. Même dans la nation où tu es maintenant. De passage ou résident. Quel que soit ton statut. Bon ou étranger. Réfugié ou déporté. En toute nation. Celui qui le craint. Et qui pratique la justice. Celui-là est agréable. Je n'entends pas un bon amen ici. Mais chacun qui s'éprouve par rapport à la vérité, qui se rend compte qu'il est protégé par Dieu. Donc le favorisé, s'il y en a, c'est toi. Parce que la manière dont Dieu te traite avec sa parole, il t'a mis dans des privilèges et sous des beaux draps. Maintenant, frère Branham nous apprend quelque chose. Comme la Bible nous a appris à tout examiner, à tout vérifier. Et à vérifier plusieurs fois. J'espère que vous êtes prêts à ce genre d'exercice. C'est ça la marche. Et la marche avec Dieu, et on n'est pas des accros pour des choses. Il faut toujours vérifier. Surtout que nous avons le sang de nos semblables sur nos mains. Quand un avion doit prendre l'envol, on doit vérifier et revérifier. C'est ainsi que vous apprenez souvent qu'il y a le vol qui est reporté. Pour une raison technique. Pour les compagnies d'aviation. Pour ceux qui sont commis à la logistique. À la mécanique d'aviation. On n'autorise pas l'envol d'un avion n'importe comment. Les techniciens doivent vérifier l'état de tout, des moteurs, des circuits et tout. Et il y a deux catégories de pannes. Il y a les pannes no go. C'est-à-dire les pannes pour lesquelles le vol ne peut pas être autorisé. Quelle que soit l'autorité politique ou administrative, militaire qui va intervenir, le service technique dira non. Basali va colomber et non, c'est non. L'avion ne décolle pas. L'avion ne décolle pas. Tu vois le chef, va prendre les commandes, va prendre l'avion. Voilà des techniciens réguliers. Ils ne sont pas intimidés, mais ils s'en tiennent au principe. Ne va pas s'écouter. Quand le règlement dit niet, mais si les femmes sont des niveaux tolérables avec la vol, le service technique dira ok. Roulez avec précaution, prudence. Et jamais vous rencontrez tel aspect de temps. L'atmosphère, c'est un atterrissage forcé. Et les pilotes, les capitaines et tout. Et même quand ils prennent l'envol au-dessus, ils gardent le contact avec la tour de contrôle. Et communiquant à travers la boîte noire. Tous les messages importants. Pourquoi? Parce que le pilote d'avion, il a le sang de ses semblables sur sa main. Et Dieu a dit depuis le temps de Noé, et si l'homme répand le sang de l'homme, son semblable, il demandera le sang de l'homme à l'homme qui est son frère. C'est une vieille loi. Dieu n'a jamais abrogé. Même si vous paraissez vivre dans l'impunité. Et des voyous. Pour les caractères sacrés de la vie. C'est que le monde n'est pas un Dieu sans maître. Et la propriété originaire. Il y a un Dieu créateur. Il y a toutes les actions de ça. Oui, il y a des macamounios sur ma tête. Il y a un jour, juge, ne craignez rien. Il y aura un jugement un jour. Les actions secrètes des hommes, même les péchés que seule ta conscience pouvait reprocher, ces péchés-là seront mis à nu. Toute la vantardise et l'orgueil dont nous sommes seront jetés dans le sable. Oh mon Dieu. Romains chapitre 2. Versets 14 à 16. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Bapakano ba oyo bazangi mibeko. Awo ezali bango kosala kama kambo na mibeko atako bazangi mibeko penza bazali na mibeko kati na bango moko. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, dans leur conscience, en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Bazali komoni sa polelente makambo malaki mibeko makomona na makati na mitema na bango. Misosoli na mitema na bango ekotatolaka makanisi na bango ndenge na ndenge makobebenaka bongo mpe makokikisaka bango soko kolingisaka bango. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Na mukolo yango wana nzambe akosambisa makambo na nkuku ya bato na nzela na Yesu Kristo. Sangu malamu na ngai ezali bongo. L'évangile qu'a prêché Paul est celui que Branham a restauré, c'est celui que nous continuons à transmettre. Sangu malamu oyo itayaki Paulo ezali yango moko moko oyo Branham a tindi kozongisa mati. Les actions secrètes des hommes seront jugées un jour. Que celui qui a conscience apprenne à craindre Dieu. Ne te cache plus derrière un arbre, dans une douche ou dans une forêt pour commettre le mal, Dieu te voit. Sache bien que Dieu voit tout ce que tu fais. Alors nous devons vous rappeler ce qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12, et verset 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Observe ses commandements. C'est là ce qu'il doit faire tout le temps. Car Dieu amènera tout un grand jugement au sujet de tout ce qui est caché soit bien, soit mal. Benzala, yamara buto, yamabe. Ne te crois pas pendant pour que cette action. On y monte très fort, allez le mbappé. Frère, me voyez éviter, parce que vous voyez éviter. Nous avons besoin de ça. Benzambe, à quoi ça nous est saillot? Amen. Banganzambe. Banganzambe. Quand il est temps ici, confessez vos péchés. Vous pouvez pas être réparé tout ce qui doit être réparé comme la parole exige. Ne faites pas le malin. Comme vous voyez pas rusé. Comme vous voyez pas rusé. Vous voyez pas rusé. Vous connaissez tout ce que vous faites. Zambé, il y a du mal sur ce que c'est que l'église ignore complètement. Ça sera dévoilé. Et comment il s'en appelle? Lisons encore. Tout en Galicie. Comme nous insistons que le Saint-Esprit touche votre cœur. Confessez vos péchés et abandonnez-les. Car c'est lui qui avoue ses transgressions. Et l'Éternel, il a obtenu miséricorde. Mais c'est lui qui les cache. Il ne prospère point. Il est broqué. Et tu les seras pendant longtemps. Dans le chapitre 12, verset 2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Principe et ça va te rattraper. Les amis sont là. Et le Dieu qui a dit ça te rencontrera face à face. Et ton gamme, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le bibon, le Est-il déjoué au malin? Au camouflage. Confessez vos péchés. Abandonnez-les. Abandonnez-les. Dieu te parle sous le ton de grâce. Ah ouais. Alors, nous sommes là pour le bel appel. Alors, ce sera de fou de tonnerre. Mais furieux. Qui ne pourra plus t'écouter. Après qui dit ce que tu as fait aujourd'hui, c'est le jour favorable. Mais là, nous allons nous le temps d'y salir. Nous allons nous faire le temps d'y salir. Nous allons nous pardonner et travailler. Et mettre parmi les sanctifiés. Mais après qui qu'on y mette au nombre des membres du peuple de Dieu. Après qui va t'envoyer la moutre. Nous allons nous mettre sur une nouvelle naissance. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y N'ayez pas honte maintenant. N'attends pas que Dieu te fasse honte devant ceux qui te connaissaient grand. Que Dieu t'humilie. Dieu de bonté. Nzambe na boboto. Ésaïe 55. Tous écoutez ici la voix du Seigneur et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ésaïe 55, verset 6-7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voix. Le cœur est crédit le mauvais. Abandonne sa voix. De pardon. Zonga. Ne continue pas à errer dans les péchés. Pourquoi pas te faire? Il te pardonnera. Il te sanctifiera. Il te régénérera. Et il te remplira de son Saint-Esprit. Pour faire en sorte que tu observes ses commandements. L'Église, as-tu dit Amen? Mon cher ami pécheur, peux-tu abandonner le péché? Vérifions nos vies et revérifions plusieurs fois. Une question d'âme. Ne perdons pas inutilement nos âmes en enfer. Dans la prédication intitulée « Que ferais-je de Jésus appelé Christ ?» Le 24 novembre 1963. La foi vient de ce que l'on entend. Vous avez la foi et vous vous éloignez de... pour ôter ceci de vos mains. Mais il lui faut faire face à la réalité. Regardez votre réalité. Il y a des péchés abandonnés. Faisons face à la réalité. N'essayons pas de nier les évidences. N'essayons pas de détourner les regards. Cherchons quel échappatoire. Faisons face aux réalités. Il est pleinement identifié. Avec le sang d'un homme sur vos mains. L'homme doit veiller. Quand il a le sang d'un autre sur sa main. L'homme doit. Le prédicateur, tout prédicateur a le sang des autres, de ceux qui l'écoutent sur sa main. Et il est interdit de veiller. Toi, parent, tu as le sang de tes enfants sur tes mains. Toi, le mari, tu as le sang de ta femme sur tes mains. Le Brenham dit que votre femme ne répondra jamais pour vous. Moi si vous êtes mon mari. Vous répondrez pour votre part. Quand vous êtes dans le bal, vous êtes dans le bal. De force, si cette âme-là ira en enfer, ce sera à cause de ton homme. Tu es tenu de veiller. Ton propre exemple, ton mari. Ton propre exemple parfait d'un homme de Dieu. Un vrai modèle chrétien. Et des pratiques de l'évangile. Quand sa femme devra suivre son exemple. Ta vie de prière. Ton humilité. Comme se refléter dans sa femme. Sache qu'alors c'est toi qui l'as déraillé. Frère Branham dit que une femme ne peut pas dérailler et se méconduire avant que l'homme ne soit méconduit. Sachez ça. Avant que la femme déraille, tu as négligé quelque chose quelque part. Tu as parlé quelque part. Et lorsqu'il faut t'inspirer de ça, et comme tu as été pris de sable, elle se retrouve en train de dérouter. Au lieu de crier en désordre. Donc vous élevez jusqu'à devenir maître le méchant. Et tu es aussi comme une. Au lieu de faire ça, hein, veuille, vérifie un peu auprès de toi-même. Examine ta vie. Es-tu un chrétien modèle? Es-tu un chrétien exemplaire? Au lieu d'avoir un doigt accusateur sur ta femme sexuelle. Es-tu modèle? As-tu assumé tes responsabilités? Parfois les femmes déraillent parce que l'homme les a abandonnés. Et il ne fait pas ce qu'il devait faire. Et c'est la force de l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, si quelqu'un repudie sa femme, pour cause de fornication, il l'expose lui, l'homme, à devenir adultère. Mais c'est lui qui répondra de l'adultère que la femme va commettre. Non, et Kambo ya fornication, mariage illégal. Un peu de mariage basé sur le mensonge. Et la femme avait trompé l'homme. C'est de sa virginité de choses. Ce n'est pas ça le motif. Alors, l'homme qui répudie sa femme. Moi, nous aurons à répondre. Avance. L'homme doit veiller. Quand il a le sang d'un autre sur sa main, considérez un avion. Le pilote de l'avion, lorsque l'avion est en panne, il vérifie chaque pièce. Pourquoi? Il a le sang de quelqu'un d'autre entre sa main. Chaque petite pièce qui peut être vérifiée, il la vérifie. Quand il sort et fait demi-tour, il faut faire demi-tour à l'avion. Il emballe le moteur. Et vérifie. S'il a été réchauffé. Il accélère. Pour voir si la détonation va. Et si cela pourra donner une impulsion. Avec assez d'air pour faire décoller l'avion. Donc ce qu'on appelle manœuvre taxi, ce n'est pas un jeu du hasard. C'est un test capital. Si cette manœuvre ne répond pas bien, maintenant il demandera au voyageur de descendre d'abord. On ne peut pas penser le décollage. Tout doit répondre impeccablement. On doit être si sérieux à ce point. Vous avez été beaucoup parmi vous à bord d'un avion. Ou bien vous vous êtes assis là et tout. Et l'avion se couvre pratiquement la terre. Et il accorde à cela tout ce qu'il a pour veiller à ce qu'il n'y ait rien de travail. Et s'il y en a, il crachera ou tombera en panne. Mais il le vérifie une fois de plus, même s'il doit se tenir là un moment. Jusqu'à ce qu'il vérifie encore cela, c'est nouveau. Et si on le retarde un peu, il vérifie encore cela. On dit non, à bord de l'avion, il y a telle autorité qui a connu un petit retard, on doit l'attendre pour qu'il. Les pilotes profitent à aller le vérifier encore. Les choses. Techniquement. Combien l'église devrait se retrouver en train de vérifier cela à plusieurs reprises. C'est une question de sang, une question d'âme. Si vous perdez une âme, avec quoi allez-vous la racheter à Dieu? Une âme pour 10 000 mondes, où allez-vous trouver 10 000 mondes pour retourner à Dieu une âme? L'église doit répéter plusieurs fois. Si il y en a, prenons conscience de notre responsabilité. Nous attendons sa venue. Nous nous réveillons et nous attendons le décollage. Alors, nous ferons mieux de vérifier cela avec la parole. Nous devons tout vérifier avec la parole. Avec ce que quelqu'un a dit. Soyez sûr de savoir cela de vous-même. Ne vous mettez pas seulement sur le portrait ce que les autres ont dit. Nous sommes dans une marche, c'est une question d'âme. Soyez sûr de connaître cela, de savoir cela de vous-même. Comme une expérience personnelle avec Christ. Vérifiez cela à plusieurs reprises. Qui veut appliquer ça? Que Dieu nous aide. Nous attendons la venue du Seigneur. Nous ne voulons pas être surpris en dernière minute. Le prédicateur te l'avait dit, moi j'avais pensé que c'est le prophète qui avait enseigné. Dis-moi ce que tu penses. Tu dois vérifier à plusieurs reprises. On est dit au nom mais pas si Anini, il y a ça, il y a le prophète, il y a un problème. Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est l'Ifélo quand on a des chrétiens à Yohan? Nous devons vérifier cela à plusieurs reprises. Ne dites pas, nous sommes habitués seulement à le faire comme ça. Vérifiez. Vérifiez à plusieurs reprises et que tout soit conforme à la parole. Sans ce que dit Frère Branham là, il était aussi capable de le faire dans sa vie. Dans sa propre marche, il a eu à nous montrer cet exemple. Même quand il s'agissait de l'ange du Seigneur qui venait lui parler. Dans le sermon, le 4e saut, il est dit ceci. Il est paragraphe 34 à 36. Et puis nous prendrons encore le paragraphe 45 à 46. 34 à 36 d'abord. C'est pourquoi cette idée d'intercéder avec Judas pour la politique. Allez faire l'intercession avec Judas pour la politique. C'est incroyable, hein? Il y a dans certaines personnes. C'est comme une soeur qui est en Hollande là-bas, qui a fait notre connaissance il n'y a pas très longtemps. Elle pose de temps en temps ces questions. Il a demandé, mais frère David, est-ce que on nous a prêché par un prédicateur visité. Il a dit que Marie, après la naissance de Jésus, le Seigneur lui a redonné sa virginité. Nabongo atuna ki alugete zali na motei moko mulekinjela ateki disete ngondo mali atango botaki Yesu Kristo na sima na kobota na ye nkolo ayego zo sila ye mosa kana ye. Le prédicateur là il a dit c'était comparable à l'expérience d'Anne dans la Bible. Alobi motei yango alobaki ete zaki ya kokokana na libiki oyo ya Anna katika Biblia. Wa mase na tuni nini ndio ni radi comme ça. Ho alobi donné l'exemple biblique de Anne. Apesa kinda kisa mwa Biblia ya Anna. La femme de Eli qui est la mère de Samuel. Ete mwashi na Eli mama. Mais est-ce qu'en quoi il y a une ressemblance même? Na kokokana na nini? Mulu il avait dit ça. Alobaki kongo. Je dis non. Alobi te. D'abord, est-ce que Dieu va venir remettre la virginité à Marie parce que lui avait des prises de sa virginité? Et Zambé, il fallait réparer le rôle de Zambé, ça existe. Mais ça veut dire quoi tout ça? Nous sommes tous les deux, c'était que nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux, il fallait que nous sommes tous les deux. J'ai dit ma soeur, mais ça n'a aucun fond. Nous sommes tous les deux, mon mari. Écoute, Anne là était une femme mariée depuis des années. Ça n'a rien à voir à comparer avec Marie, la mère de Jésus. Marie était une fille vierge. Et Dieu l'a gardée dans un but. Elle a conçu par un miracle divin. Dieu n'est pas venu s'accoupler avec Marie, mais c'était une puissance d'amour qui a fait le travail. Qu'est-ce que cela voit? Bikamba ya papa kanisa wana ezalite ana ye azalaki mwasi na libala asila kobala mbumi mibu eleka mali azalaki mwoseka onzambe abatelaki na kamoseka na ye pweta kukisa mwosala woye sala makiwa ezalaki ndena ndena na mulimu sante ezalaki teke nzambe ayeko sangala kana ye il est écrit que Joseph a fait ce que l'ange lui avait demandé de faire. Yete yete mpasala kiwe mwanje lua sengaki na yeko sala. Il a pris Marie sa femme. Azalaki mali ya mwanje. Il ne l'a connu point. Asi basangala kina yete. Jusqu'au jour elle a enfanté. Kino na mokolo oyo mwoseki yeso kiso. Donc le premier homme qui a connu Marie, ce n'était pas Dieu, c'était Joseph son époux. Qu'est-ce que cela a à voir avec? Alors après, il a dit, c'est un prédicateur visiteur. J'ai dit, ok. Alors, comme c'est un prédicateur visiteur, Molekizela, la sœur a rigolé. Tenons la conclusion. Très bien. On a pasteur Nabiso, maman n'a pas fait, yango ne moté wana lo baki até aki bongo. Voilà. Voilà, on vous laisse la chair, vous commencez avec des histoires. Que Dieu soit miséricordieux. Ici encore, il y a une idée ici. Une idée avec le quoi encore le d'intercéder avec Jésus pour la politique. Ou d'intercéder avec Sainte Cécile pour autre chose. Cela n'a aucun sens. Je ne veux pas dire que les gens qui font cela ne soient pas honnêtes et sincères. Je ne dis pas qu'ils ne soient pas honnêtes et sincères. et de la sincérité. Je ne dis pas que vous ne soyez pas sincères en faisant ces choses. Mais vous êtes dans l'erreur. Vous êtes sincèrement dans l'erreur. Malgré votre sincérité, mais dans l'erreur. Avec le jus de pour la police. Mon frère, Jude est déjà mort. Yuda, comment vous allez intercéder avec Jésus de Boulogne? Et vous direz, eh bien, cet ange est apparu à Saint Boniface. Et pour moi, je lui ai Saint Boniface. Saint Boniface. Mon Saint Boniface. Ça y est, dans la Bible, les gens. Et la Bible, mon Saint Boniface. L'ange est apparu à Saint Boniface. Et moi, je lui ai mon Saint Boniface. Et on raconte ça pendant des années. L'ange est apparu à Saint Boniface. Et moi, je lui ai coupé la mon Saint Boniface. Ça y est, où dans la parole? Je lui ai appris à l'île. Où le parc? Ici, comme côté. Oh, il lui a dit ceci et cela. Alors il faut faire ceci et cela. Je ne doute pas le moins du monde que quelqu'un ait eu cette vision. Je ne doute pas que Joseph Smith ait eu une vision. Elle n'était pas en accord avec l'ensemble de la parole. Par conséquent, pour moi, c'est faux. Cela doit correspondre avec l'ensemble de la parole. Même si les gens répètent ça depuis des années. Ce n'est pas conforme, allez, pour moi c'est conforme. Mettons ça de côté. Êtes-vous prêt à agir de même? Alors, je vais au paragraphe 45 et 46. L'autre soir, toujours le quatrième saut, nous avons vu s'avancer le premier saut. Et le cavalier. Que le Seigneur me vienne en aide. Hein, car je n'ai jamais su ces choses auparavant. Je n'ai jamais su aucune de ces choses auparavant. Je monte simplement dans ma chambre. Et je prends ma Bible et je reste facile jusque là, jusqu'à ce que. Suivez l'attitude. Quand les choses commencent à jaillir, je prends simplement ma plume et je me mets à écrire et je reste là pendant des heures, quelquefois jusqu'à ce que ce soit terminé. Ensuite, je reprends ce que j'ai vu. Quand il m'a parlé, et je dis, eh bien, il semble que j'ai déjà vu cela quelque part. Je prends ma concordance et je cherche. Et voilà, je trouve. Il y a quelque chose ici, dans la parole, ici encore, et là aussi, et encore là, et plus loin encore. Ensuite, je relis tout cela ensemble. Je sais que cela vient de Dieu, pour autant que cela concorde écriture par écriture. C'est ainsi qu'il faut faire. Amen. C'est comment? C'est comment? C'est une question d'âme, makamo makila. Ne soyez pas léger, vérifiez, revérifiez à plusieurs reprises. Il dit, allô dit. C'est ainsi qu'il faut faire. C'est comme lorsqu'on construit une maison. Tout doit s'ajuster. Pierre par pierre. Ne dites pas seulement là, je me l'ai dit. Là, c'est réel. C'est impressionnant. Il a dit des choses. Non. Il faut tout examiner. Tout vérifier, chercher la concordance avec l'ensemble de la parole. Avez-vous dit amen? Je vous amène maintenant à la prédication, le troisième saut. Ici, j'ai mis la traduction de Suisse. Quatrième saut, traduction de Suisse. Et dans le troisième saut, traduction de Shekinah publication. Le paragraphe 283. Le troisième saut était prêché le 20 mars 1963. Tandis que le quatrième saut c'était le 21 mars, ce que nous venons de lire le 21 mars. Et le Mboyamisatu était Yamakine à Mokola, tout comme il sans Yamisatu, Mboy, un poto Mokamal, Motomanamisatu, Kassio, Tikotangalbosa, Yamine, Yango, Yamakine à Mokola, tout comme il Moko, sans Yamisatu, Mboy. Alors, paragraphe 283. Maintenant, je dois le dire exactement comme ça, ça m'est venu. Et ça fait pina Kolobela Yango, Bobelenengue, Komelinga, ça fait. Écoutez. Et si ce qui m'est venu ne concorde pas avec le reste des écritures, ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Voyo, il est pas mis en gai. Soit qu'il faut yon kanana mobimba mobimba na li lobo, yon soit kare komamite, na bongo oye, le pas mis en gai, yon est utile en zambi. Chaque fidèle de son message doit avoir ce genre de nature. Et que nous n'ignons ce, y'a sangoué, et sangoué, et sangoué, et sangoué, nous ne devons pas être ce genre de croyants, pas soi. Et sangoué, et sangoué, nous n'avons pas bongo. Dima, dima, bouyoka, yoka, yamba, yamba. Ayez une position. Ce que vous croyez doit avoir un fondement dans la parole. Ce que vous croyez doit être prouvé comme étant la vérité. Ça doit concorder avec l'ensemble de ce que vous croyez. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas Dieu qui a donné ça. Vous voyez, l'écriture doit... Nous connaissons toutes les autres. Cela fait partie d'un grand tout. Comme ça. L'écriture doit s'accorder avec l'écriture. Et tout ce qui est contraire à l'écriture. Si cet ange du Seigneur, c'est moi, je lui ai dit, je crois que ce soit, je crois que, je ne le croirai pas. Amen. Amen. Si même l'ange venu du ciel dit des choses qui ne concordent pas avec les écrits, même un croyant de la Bible, il y a la Bible pour absolument, ne pas vouloir croire ça. Et toi tu penses entrer au ciel dans la facilité de Branham a dit, moi je crois tout ce que frère Branham a dit. Tu n'examines rien. Tu ne te rassures de rien. Frère Branham a déjà examiné pour moi. Ça montre combien il faut faire. Et tu dois pratiquer ce procédé. C'est amen. Nous avons du travail. Quand on vous laisse une méditation, rivons le clou de cette pensée dans la restitution de l'arbre épouse. La restitution de l'arbre d'épouse. Prêché le 22 avril 1962. Le paragraphe 75. Un groupe de ministres qui serait si faible. Suivez. Si l'ange du Seigneur disait, si cet ange disait quelque chose de contraire à cette parole, ce ne serait pas l'ange du Seigneur. Amen. Même s'il était brillant, impressionnant, bien habillé propre, méfiez-vous. Si ce qu'il vous dit, ça doit y être contraire à la parole. Là, ce n'est pas l'âme. Soyez capable d'étiqueter les choses. Tu vas dire examiner toutes choses. Et ce qui est bon. Ne soyez ni pas soi, ni malléable, ni manipulable. Ayez une position de fait. L'ange du Seigneur confirmera la parole. Moi, j'ai mon premier à connaître ça, qu'a donné l'île au bas. Qui dit amen? L'ange du Seigneur confirmera la parole. Et c'est exactement ce qu'il a toujours fait dans chaque âge. Il fait toujours la même chose. Il se tient à la parole. Et tout ministre loin du Saint-Esprit s'en tiendra à cette même parole. Car la Bible dit que toute la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. Et comment pouvez-vous avoir le Saint-Esprit et nier ce que la Bible dit? L'esprit rend témoignage que ce n'est pas vrai les credos. Que les gens ont érigé un credo, mais on voit toujours de cette manière-là. L'esprit qui est en vous va rendre témoignage que ce n'est pas vrai les credos. Matière à battre, nous avons le devoir de tout examiner. Vous allez dans mon combat, il y a quoi là-bas? Vous allez dire ce qui est bon. Si nous sommes battus, nous allons le faire. Dieu nous aidera. Et terminons mon ensemble de questions. Dans cet exercice public. Dans mon salaire, oh, Anna. Le gelée qu'a dévoré. A continuer à dévorer les véritables choses de Dieu. Alors, revenons à la religion du Saint-Esprit. L'Église se retrouve dans la bonne position. Non, frère. Ayez une position.